Ouais, j'ai fait mon malin, ça fait pitié, la fin du monde entier. Mais aujourd'hui j'ai chanté pour vous. Je mens ma bière, on dit que je suis Daï. Mais mon Daïko ne finit pas, ça finit en chanson. Tous les mondes m'appellent Soulard et moi je ne suis pas Soulard. Tous les mondes m'appellent Soulard et moi je ne suis pas Soulard. Moi y'a copa, moi j'ai pas rêve que personne. Le vin rouge arrosit mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin des palmes arrosit mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Quand j'ai fini de boire, je sortais en dansant. Quand j'ai fini de boire, je sentais en maquillé. Pas un de topé, des palais sans voler, décalé, sans voler, maquillé. Pas un de coupé, décalé, sans voler, sans voler. Décalé mon, sans voler mon, on va fermer, appuyer. J'ai jeté la clé dans la scène, on a cherché la clé, on n'a pas trouvé. Rigetaka, sikin togon, tikin togon, tikin togon, tikin togon, tikin togon. Kamera kabata sima, pesa, moana kabata sima. Dida, dida, dida, dida, dida, dida, dida. Oh, c'est pas la base, où? Au milieu, avec les reins comme au lit. Avec les reins comme au lit. J'ai dit comme au lit. Avec les reins comme au lit. Avec les reins comme au lit. Avec les reins comme au lit. J'ai dit comme au lit. Allez déshabiller, déshabiller, déshabiller, déshabiller, déshabiller pour fouetter. Déshabiller pour fouetter. Allez fouetter, fouetter, fouetter, fouetter. Allez fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, fouetter, déshabillé, déshabillé, déshabillé, déshabillé. Dida, dida, dida, dida, dida, dida, avec les reins. La Rochelle, l'unique. Avec les reins. Club Afro, le Mambo Club. J'ai dit comme au lit. Complexe, avec les reins, le Prosper. Comme au lit. Sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Konami, Konami, Zwa, hein. Konami, Konami, hein. Konami, Konami, Zwa, hein. Tolé. Coudé, allez coudé. Coudé, allez coudé, coudé, allez coudé, coudé, allez déshabiller, coudé, coudé, coudé, adolo, adolo, adolo, adolo, fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, dans dîner, dans dîner, dans dîner, dans dîner, adormi, adormi, adormi, adormi, adormi. Yeah, ça va se savoir et ce soir est bolingo. Ezali Kitoko toujours puissant, on l'appelle DJ Serge. Tout le monde est baracaboté, on va faire le malin. On va faire le malin à outrance, faites le malin sauvagement. Faites le malin. Cible la voix de Lyon, RCT. Le miracle arrive. Ya y'a Henri Palais, le beau gosse de la Nisée. Tapewana Apesi Binombote. Tony Boivré. MC Faustin. Henri BH électronique. L'homme qui a compris la compréhension de l'incompris. Allez, allez, Papa Weber, Top Africa à Bordeaux, le vrai Congolais, te koya gosoma babilo koya cosmétique. Net, Bonga, Didier Drogba à Chelsea, Serge Ateka. Sans oublier Saint La Roche, prête cher et manajakete. Victime de la SAP, il y a des vrais et des faux. Mais lui, c'est un vrai. Jules, le roi des platines. Le DJ de Toulouse. Allez, salabote Tobina. Ma mère, ma mère.